Alors on danse sur une ficelle, on tombe dans les vices car ils nous tentent, alors on en ficelle. Des autres on envie la luxure, la richesse car la nôtre nous paraît triste dès qu'on voit les fautes. Alors on se renferme, alors on la ferme dans notre malheur, on s'affaisse car la ficelle, j'en arrête les fesses. Alors on se rabaisse à être toujours d'accord, moi je suis toujours hardcore dans mes textes et cru dans mes accords. Alors on se permet des choses, parce que l'image qu'on donne est fausse, parce que je déteste les hommes et que je rappe avec ma force. Alors on se permet trop de choses, alors on manque de respect, t'inquiète, j'oublie rien sous mon aspect. Alors j'écris, alors je compose, parce que mes cris sont trop perçants, mon son est mal perçu, je peux pas faire sans. Alors je décris, alors je pose, je parle de mon ego, je parle du côté noir où je vis et le mal qui renvoie mon écho. Alors on vit seul, sur une ficelle on danse, on a l'audace d'être con et de faire de l'audience. Alors on frappe fort quand l'éclair déclenche. Alors on saoule les samedis soirs on se déhanche. Alors on fume, on se défonce, parce qu'on est sans défense, parce qu'on n'a aucun but à part niquer la France. Alors on n'a toujours pas compris que les cons coulent dans le vent, que le mal est dans mon cœur et que je suis son enfant. Alors on se fait mal sans le savoir réellement, mec c'est tellement vrai qu'on choque les éléments. Alors j'alterne avec des généralités ou des fatalités, avec l'impression d'écrire des banalités. Alors les qualités s'envolent et accompagnent les vertus, alors plus j'avance et plus je suis perdu. Alors j'alterne joie avec tristesse, parce que les faiblesses de ma femme blessent et qu'on nous tient en laisse. Parce que les dieux nous laissent, parce qu'on est tous criblés d'offenses. Peu à peu on perd le sourire et l'espérance. Alors on pense pouvoir refaire le monde, danser sur les tombes, car sur les ongles les faux inondent et aucun masque tombe. Alors on croit être présomptueux, on noie sa peine dans l'alcool, tu sais nos chemins n'ont rien de somptueux. Alors on chante, on tente d'être heureux, alors les remords nous hantent et on s'étonne d'être irrespectueux. Alors on vit seul, sur une ficelle on danse, on a l'audace d'être con et de faire de l'audience. Alors on frappe fort quand l'éclair déclenche, alors on saoule les samedis soirs on se déhanche. Alors on fume, on se défonce, parce qu'on est sans défense, parce qu'on n'a aucun but à part niquer la France. Alors on n'a toujours pas compris que les cons coulent dans le vent, que le mal est dans mon cœur et tu es son enfant. Alors on manque de respect, on fait tourner les tasses, les ouinges, on veut de l'or sous tous les CSP. On voit de l'art tout part, on fait tomber les remparts qui séparent les vertus et les tares. Alors on est tous maudits, mais je suis trop émotif, l'homme est fautif et j'ai tous les motifs pour l'inculper. Y'a trop de choses à lui inculquer, c'est pour ça que je rappe et que mes forces sont décuplées. J'ai pas assez de trois couplets, ni d'un album entier pour gérer mes idées qui surgissent en chantier. J'essaie de chanter pour condenser mes pensées, pour penser mes doutes et penser mes plaies. J'aurais pu m'appeler celui qui voit le mal partout, ça peut s'appeler Six, le sale Babtou. Alors tu me prends toujours pour un con et pour un fou. Alors on vit seul, sur une ficelle on danse, on a l'audace d'être con et de faire de l'audience. Alors on frappe fort quand l'éclair déclenche, alors on saoule les samedis soirs on se déhanche. Alors on fume, on se défonce, parce qu'on est sans défense, parce qu'on n'a aucun but à part niquer la France. Alors on n'a toujours pas compris que les cons coulent dans le vent, que le mal est dans mon cœur et tu es son enfant. Sur une ficelle on danse, on a l'audace d'être con et de faire de l'audience. Alors on frappe fort quand l'éclair déclenche, alors on saoule les samedis soirs on se déhanche. Alors on fume, on se défonce, parce qu'on est sans défense, parce qu'on n'a aucun but à part niquer la France. Alors on n'a toujours pas compris que les cons coulent dans le vent, que le mal est dans mon cœur et tu es son enfant.